Bonjour et bienvenue sur Coexprime, une émission de jeunes entre différentes convictions. Je suis Maxime, votre animateur. Aujourd'hui, on va faire une émission sur le thème de l'argent, une question qui est vachement taboue dans la société française. Donc aujourd'hui, on est avec Brittany. Salut. Avec Ahmed. Salut. Avec Queen. Salut. Queen, t'avais commencé à faire des questions, je te laisse... Exactement. Déjà, alors, la première question. Quel est votre rapport avec l'argent ? Est-ce que c'est un tabou pour toi de parler de ton salaire ? Est-ce que c'est un tabou pour toi de dire que bah, là, j'ai dépensé 100 ou 1000, peu importe, sur un sac, soit une veste ? Personnellement, je trouve que... pour moi, c'est normal d'en parler. Genre, je gagne tant parce que je travaille et puis je me fais plaisir. Enfin, c'est mon argent, j'en fais ce que je veux. Et puis, personnellement, je trouve pas ça très tabou comme sujet. Mais est-ce que du coup, dans ton entourage, est-ce que vous arrivez facilement à parler de l'argent ou pas ? Ou pas du tout, ou entre les deux ? Je sais que du côté de la famille, on n'en a jamais vraiment parlé. Genre, ouais. Ça reste... on n'a jamais vraiment abordé le sujet. Et puis, entre amis, je trouve ça... on arrive quand même à en discuter normalement et à dire quand on a des galères de thunes, des trucs comme ou quand on gagne de l'argent, peu importe. Et Emmanuel, c'est quoi ton rapport avec l'argent ? Moi, pareil, j'ai pas de tabou, j'ai pas de problème à dire ce que je gagne, ce que je gagne pas. Ça me dérange pas non plus qu'on me le dise. Ouais. Et dans ma famille, j'ai certains membres de ma famille qui ont du mal à s'exprimer là-dessus, pour qui c'est tabou. Ok. Mais sinon, mes amis, c'est pareil que moi, ils n'ont pas de problème avec ça. Autre chose à rajouter, Brittany? Non, je suis d'accord avec les deux, donc ça marche. Rien à ajouter. Ok, mais moi, je pense que c'est pareil aussi. J'aime avoir de l'argent, mais j'aime aussi... mais j'aime aussi dépenser de l'argent et je trouve que c'est normal de parler de l'argent en sachant que c'est quelque chose que tu vas utiliser tous les jours, c'est quelque chose que ça... Ça a une place importante dans la société parce que c'est avec l'argent qu'on fait tout à peu près. C'est avec l'argent qu'on achète plein de choses, mais même si l'argent ne peut pas tout acheter, mais la plupart des choses, quoi. C'est avec l'argent qu'on vit. Exactement. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et toi, Ahmed ? Moi, je mets un barrière avec quelques personnes parce qu'il y a du monde qui me conseille toujours d'économiser des trucs... De ne pas gaspiller de l'argent parce que chacun a sa propre point de vue concernant comment ou qu'est-ce qu'on achète. Chacun a ses propres priorités et à cause de cette raison, il y a beaucoup de monde autour de moi que j'aime pas entendre ces conseils. D'accord, ça marche. Mais du coup, pourquoi, là, Maxime, tu as un peu parlé, tout le monde a à peu près dit, pourquoi l'argent, c'est tabou dans la société ? Qu'est-ce qui fait que c'est un tabou ? Que c'est tellement un tabou qu'on se cache, qu'on ne dit pas à nos amis combien on gagne par mois ? Par exemple, je prends l'exemple d'une personne qui est chirurgien ou qui est docteur et qui est en face d'une technicienne de surface, là, forcément, à un moment donné, il y aura le tabou de l'argent qui va sortir, mais pourquoi ? Je dirais peut-être le fait que, justement, il y a des écarts entre les salaires des différents métiers et que, du coup, ça peut engendrer genre, des jalousies ou des envies, des choses comme ça. Des profiteurs aussi. Donc, c'est ça. Donc, les tabous, c'est parce que, qu'on n'arrive pas à contrôler ses sentiments. Peut-être de la protection, justement, comme il a dit, pour éviter... les personnes mal intentionnées, la jalousie. Ou sinon, aussi peut-être une question d'image. Par exemple, ceux qui trouvent qu'ils ne gagnent pas assez, qu'ils aiment plus riches ils ne veulent pas le sentiment de honte. D'accord. Il y aura aussi du monde qui vont dire que tu ne mérites pas d'avoir ce montant par mois. Comme les footballeurs. C'est le cas des footballeurs aussi. Parlons-en des footballeurs. Mais Maxime a soulevé tout à l'heure une question, un point de vue qui est très important, c'est-à-dire qu'il y a les tabous de l'argent en France. Et pourquoi c'est en France ? Est-ce que c'est la culture française qui fait qu'il y a un tabou sur l'argent ? Ou qu'est-ce que c'est ? Parce que je n'ai pas l'impression que c'est uniquement en France. Personnellement, je ne connais que le contexte de la France parce que je ne suis jamais allé vraiment autre part. Mais je sais qu'en tout cas en France... de ce que j'entends et de ce que je vois, ça reste quelque chose d'assez tabou et que les gens n'ont pas vraiment envie d'en parler. Par exemple, il y a quelques années, si on remonte à 2015 ou quoi, et qu'il y avait des espèces de scandales sur ce que les youtubeurs touchaient, ouais. Alors que bah, ils travaillent et c'est le métier qui veut ça, que ça rapporte de l'argent. Quoi. C'est peut-être aussi une question de culture. Par exemple, je sais qu'en Allemagne... ils ont une forte culture protestante et donc justement le fait de travailler et d'avoir beaucoup d'argent c'est valorisé. D'accord. En France c'était pas trop ça. Oui. Pareil aussi aux États-Unis c'est très valorisé d'avoir de l'argent. C'est vrai. Donc, peut-être que ça y joue. Oui, c'est vrai que la culture ça peut vachement y jouer dans, dans la perception. Que... Mais pour ajouter une autre culture, oui. C'est vrai. Oui. En fait en Égypte, je pense qu'il est impoli de demander à une personne quel est sa salaire. Quel est son salaire c'est-à-dire. Non, il est impoli de... Impoli de... Oui, ok, impoli. Ça marche. Bah, pour moi, c'est différent. Parce que déjà, après, ça dépend de comment tu demandes aussi à la personne. Est-ce que tu demandes juste par curiosité malsaine, juste pour faire une comparaison, pour se dire que ah, ben, je gagne plus que toi ou c'est parce qu'en fait, tu as envie de connaître la personne et que bah, c'est dans la conversation, donc bah, tu demandes comme ça. Comme par exemple, bah, comment tu t'arrives à gérer ton train de vie en étant payé 2000 par mois, alors que moi, je n'arrive pas du tout. Enfin, je suis payée de la même manière et comment je fais ? Voilà. Mais après, pour rajouter une autre culture, moi, je sais que dans les pays asiatiques, notamment au Vietnam, il y a beaucoup de personnes qui se vantent de quelle somme d'argent ils gagnent, surtout que... comme par exemple, il y a les sites de rencontres physiques, où la personne elle va directement demander « Alors, moi, je souhaite avoir un compagnon qui gagne autant. » Je pense que c'est lié au fait que dans la culture asiatique, c'est vachement bien vu de beaucoup travailler, de beaucoup s'acharner, etc. Et que du coup, ça peut peut-être refléter la qualité ou la quantité de travail que la personne fournit ? Pas forcément, parce que vu que dans ces pays asiatiques, il y a beaucoup de précarité, donc les filles, elles vont plus chercher... Oui, les filles. Oui, j'avais vu un reportage là-dessus, et en fait, c'était une femme qui faisait des speed dating. Oui, c'est ça. Et elle gagnait un certain salaire, et en fait, elle discutait avec un homme, et elle restait pas plus de 2 minutes, elle demandait directement combien est-ce qu'il gagnait, et s'il gagnait moins qu'elle. Et elle ne le regardait même pas, alors elle partait. C'est ça. Et après, à la fin du reportage, on voit qu'elle s'en va et elle dit « Je ne vais pas rester ici parce que c'est tous des hommes qui gagnent moins que moi. Ouais. Ce n'est pas ce que je recherche. » Donc, ouais, ça dépend de la culture. Quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est parce qu'en fait, il y a une précarité dans ces pays. C'est pour ça que les femmes elles ne veulent pas être dans cette précarité, qu'elles ont déjà vécu et qu'elles se disent bah, en fait non, enfin, si ce monsieur n'arrive pas à finir, à m'acheter telle ou telle chose, je ne vais pas me marier avec cette personne. Donc l'argent ici c'est différent du coup de l'argent de la France ou de l'argent des États-Unis. Mais en lien avec ça, est-ce que l'argent fait le bonheur? Faire le bonheur, on peut pas dire ça parce qu'il faut quand même autre chose pour faire le bonheur, mais ça y participe grandement quand même. C'est-à-dire, est-ce que tu peux développer ? Bah, dans le sens où ça nous ouvre plus de possibilités en ayant de l'argent qu'en n'en ayant pas. Ouais. Genre le fait de voyager, ça coûte vite cher. Le fait de se nourrir correctement, ça coûte vite cher aussi. Enfin, le fait de tout faire en général, ça revient vite à avoir de l'argent, quoi. Ok. Après, moi, on dit que je suis vénale, donc Maxime, il arrête pas de me dire que je suis vénale, donc je sais pas si c'est très objectif, mais pour moi, oui, et... il y a pas de débat là-dessus. Moi, l'argent, ça fait clairement mon bonheur, donc... D'accord. Donc, ouais. Parce que pour toi, tu ne peux pas vivre sans ton argent. Bah... Avec l'argent, je peux faire beaucoup de choses, et franchement, quand je n'ai pas, je déprime de fou, donc... Donc ouais, l'argent, ça fait clairement mon bonheur, parce que je peux clairement faire tout ce que j'ai envie de faire, et c'est ce qui me rend heureux. Genre des tatouages. Ouais, voilà. D'accord, ok. Et toi, Emmanuel ? Bah, ça y contribue beaucoup. Hein. Enfin, tous nos besoins primaires, on doit les payer avec de l'argent. Mm. Avoir un toit sous la tête, boire de l'eau, on ne peut pas le faire sans argent. Et aussi, surtout, quand on a peu, quand on est précaire, on est très stressé. Mm-hmm. Et on a beaucoup moins d'opportunités aussi. Ouais. Et du coup, si on a l'argent en moins, et on peut difficilement être heureux dans d'autres aspects de notre vie, en fait, parce qu'on a ce stress et okay. ce manque. D'accord. Je suis d'accord avec vous sur le fait que l'argent, ça contribue à ton bonheur, mais pas que. Par exemple, je prends l'exemple des milliardaires qui ont plein d'argent, mais pourtant ils sont pas heureux, pourtant ils sont pas comme les personnes, une personne lambda qui a assez d'argent et qui a une famille qui est aimante, qui sort de temps en temps, mais pas comme les milliardaires qui s'offrent des voyages avec des jets privés, avec des bateaux de ouf. Donc, je trouve que l'argent, ça rend malheureux. Mais ça peut aussi rendre des personnes qui sont... Enfin, ça peut rendre heureuse une personne. Oui, dans le sens où si tu as déjà tout, et que tu peux rien acheter de plus... normalement, tu stagnes dans le sens où tu as déjà tout, donc qu'est-ce que tu peux avoir de plus à part des billets en physique, quoi. Mais du coup, admettons que ces personnes qui ont de l'argent mais qui n'ont pas le bonheur, ils peuvent pas acheter une personne qui les aime, ils peuvent pas acheter de l'attention. J'ai vu qu'on pouvait acheter des personnes. Alors, pas dans ce sens, mais j'avais vu que, je sais plus c'est dans quel pays, mais on pouvait payer une personne genre 200 dollars pour qu'elle nous fasse des câlins toute la journée. C'est au Japon. Ouais, j'ai trouvé ça génial. Dans le sens où si t'es en manque de câlins, tu utilises ton argent que t'as en trop et t'as des câlins gratuits. Tu peux aller à la forêt de Fontainebleau et puis payer 200 euros pour avoir des câlins aussi. Mais c'est faux ça, non? C'est une fausse illusion. Je sais pas du tout. Ça donne une illusion qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de toi, qu'il y a quelqu'un qui t'aime, mais pas vraiment, parce qu'en fait, tu as acheté son attention. Après, ça dépend aussi des gens. Certaines personnes ont vraiment besoin d'attention et besoin d'amour, mais certaines ont juste besoin d'argent. Ça me rappelle quelqu'un. Bref, mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais après, c'est sûr que si la personne est connue pour avoir plein d'argent, etc., il y aura sûrement plus de... Elle aura plus de mal à, peut-être à trouver des gens qui sont sincères avec elle, etc., qui sont pas là juste pour sa thune, quoi. Mais donc, c'est quoi... là, tu as un peu dit, mais c'est quoi les dérives d'avoir trop d'argent? De t'entourer de personnes qui sont malveillantes. Oui, malveillantes, c'est ça. Toxiques. Qui sont là que pour ton argent. Des personnes qui sont pas là pour, pas pour ta personne, qui sont là pour ton patrimoine, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Vécu quoi? Tous les jours. Non, vraiment... vivre une expérience qui est négative par rapport à l'argent. Par rapport à l'argent. À cause de la manque d'argent ou non, juste pour avoir que ça soit le manque ou que tu as trop d'argent ou juste une mauvaise expérience. Moi j'ai un exemple en tête donc j'ai pas trop d'argent justement mais j'ai date un mec. Et donc toute la journée c'est moi qui ai tout payé quoi et après genre le mec il m'a bloqué et je me suis dit fait il était là genre il voyait que je payais donc je me suis dit c'est peut-être pour ça mais je sais pas vraiment si c'était pour ça mais dans le sens où maintenant je paye plus quoi. Mais je attends, tu allais parler d'une autre histoire avec monsieur le huissier. Bon, mais du coup, là, tu as soulevé une question qui est très, très, très, très, très importante. C'est-à-dire, est-ce que dans les relations, qui doit payer? Moi, je pars du principe de celui qui invite. Ouais. Donc, comment ça, Christian? Vas-y, Brittany. Développe ton idée. C'est le mec qui dit, viens, je t'invite au resto, c'est lui qui paye. Et si jamais c'est la fille qui dit, viens, je t'invite au resto, c'est moi qui paye. Ou alors... il y a juste un compromis dans le sens où si jamais chacun veut payer sa part, chacun paye sa part. Et c'est pas... je veux dire, beaucoup de personnes disent que ça doit être toujours au mec de payer et je trouve pas ça vraiment très normal, quoi. D'accord. Oui, je suis d'accord, T'es d'accord sur tous les points? Oui, sur ce qu'elle a dit, d'accord. Trop bien. Et toi, t'es pas d'accord, Maxime? Je suis d'accord dans le fond, mais je pars du principe que si, par exemple, c'est les premières fois que tu vois la personne et que vous faites un date dans un restaurant ou un truc comme ça, tu connais pas la personne, tu vas pas lui offrir le truc, genre chacun paye son truc, parce qu'on sait jamais. Je suis pas d'accord. Moi je suis d'accord pour le coup. J'ai eu cette mauvaise expérience du coup. Genre chacun paye son truc, comme ça y en a pas un qui a profité et puis qui gosse l'autre. Oui, ça je comprends, mais admettons, t'es au premier date et qu'on te dit, bah, écoute, moi, je t'invite, mais que toi, t'as de l'argent, tu te dis, bah non, enfin non, on va payer chacun notre part. Mais si l'autre personne en face, elle insiste trop, tu peux dire, bah écoute, là, c'est toi qui payes, mais la prochaine fois, ça sera moi qui paye. Oui, bah par exemple, c'est ce que je fais, genre avec mes amis. Si un jour j'ai envie de payer, bah je paye. Et puis, enfin, il n'y a pas de tu me dois tant, à tant de centimes près, c'est enfin, tu feras un truc en retour, et puis ainsi d'accord. de suite, tu vois. Oui, mais par exemple. Attends, vas-y. Par exemple, quand tu fais un date avec une personne et que toi, t'as pas forcément beaucoup d'argent, tu peux pas te permettre de payer énormément dans un restaurant, et que la personne en face, elle te dit je t'invite, donc tu vas pas refuser, t'as envie de passer un bon moment avec la personne et t'as pas envie de refuser juste parce que t'as pas d'argent. Donc tu vas accepter à ce que la personne t'invite, mais si la personne elle commence à te dire bah, on paye chacun sa part, mais que toi tu peux pas, tu vas être dégoûté dans le sens où t'as pas pu passer un bon moment avec cette personne juste c'est parce que t'as pas d'argent. C'est gênant aussi. Quoi. Ouais, c'est gênant aussi. Ouais, mais. Ouais. Enfin, ça dépend du contexte, c'est très contextuel. Comme je pense qu'on n'aura pas de réponse et je pense que tout le monde fait un peu à sa sauce. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que ça doit être équitable, les gars. Oui, oui, il n'y a c'est pas ça. Un qui doit payer plus que l'autre. C'est ça, exactement. Ce n'est pas parce que voilà, dans l'esprit des gens, c'est les garçons, enfin les hommes, qui doivent payer que maintenant les femmes ne peuvent plus payer. En fait, avant, c'est parce que les femmes ne travaillaient pas. Donc c'est pour ça que les hommes, ils prenaient de l'avant. Ils prenaient tout. Mais maintenant, c'est différent. Maintenant, les femmes, elles ont un travail, elles ont leur indépendance. Voilà, donc on fait moitié-moitié. Puis exactement. Et toi, Ahmed, si quelqu'un t'invite ou que tu invites quelqu'un, qui est-ce qui paye? Ça dépend. Est-ce que c'est un date ou un ami? Ah, ok. Mais dans les deux cas, chacun paye son truc. Ok. C'est très bien. Et donc, est-ce que vous pensez qu'une personne qui a beaucoup de l'argent, cette personne, elle peut être corrompue, manipulable, influençable? Peut-être pas influençable, mais elle pourrait plus, elle, influencer en graissant la patte des gens, par exemple. Ça dépend du contexte. Après, ça dépend de l'attention des personnes, etc. Oui, parce que quand t'as beaucoup d'argent, tu peux facilement soudoyer les autres, parce que tu dis, ce petit billet, enfin, je le verrai même pas, donc, voilà, enfin, tu peux clairement avoir ce que tu veux en essayant d'amadouer les autres, quoi. C'est ça. Et même la place de l'argent est super importante dans les pays comme exemple, en Afrique, en Asie, où beaucoup de choses ne se font pas de manière légale, pardon. Mmh. Et ils font ça de manière illégale, c'est-à-dire dès que tu veux quelque chose, dès que tu veux que ton passeport va plus vite ou que tu veux que ton enfant soit dans telle ou telle école, tu as juste besoin de donner de l'argent et c'est fait, quoi. On n'en parle plus. J'ai un exemple dans la tête, c'est le trafic d'organes. Ouais. Oui, si quelqu'un qui est vachement riche, il pourrait acheter payer pour un docteur pour chercher une personne. Il peut kidnapper une personne pour voler ses organes. Soit il offre de l'argent, soit il le kidnappe. D'accord. Ouais. Mais du coup, dans l'autre cas, c'est les personnes ont tendance à vendre leurs organes aussi pour avoir plus d'argent parce qu'ils sont en précarité. Il y a une ville en Asie où il y a beaucoup de monde avec une seule reine. C'est quelle ville, tu sais ou pas? Je sais pas, mais... On va faire une petite pause musicale, on se retrouve tout de suite après You Can't Touch This de Mark Hammer. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I doing? Touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look at my eyes, man. You can't touch this. yo, let me bust the funky lyrics. Fresh new kicks and bands. You got it like that, now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fly girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that. Like that. Pull a little bit, just don't fall on back. Let them know that you're too much and this is a beat they can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You talk about the hammer, you're talking about a show that's hyped and tight. Singles are sweating so fast, I'm a white or a tape. To learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word, because you know you can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't groove the list, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner, dance to this. And you're gonna get there. Touch this. Look, man, you can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop. Hammer time. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Every time you see me, the hammer's just so high. On est de retour dans Coexprime. On est toujours avec Brittany, Ahmed, Emmanuel, pardon, je me souviens jamais, et Queen. Et Queen. Et on parle d'argent. Je voulais vous poser la question, à partir de quel âge vous avez commencé à avoir de l'argent de poche, Emmanuel? j'en avais pas d'argent de poche de manière régulière, d'accord. Mais parfois j'avais peut-être 5€ ici et là pour m'acheter des bonbons par exemple, et je pense que ça devait être 8 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Je commençais à manipuler l'argent. Oh. Et toi Maxime, au Brittany? Moi, j'ai jamais vraiment eu d'argent de poche non plus. C'était plus à chaque fois que j'avais soit envie de quelque chose, soit besoin de quelque chose, bah, mes parents me le payaient ou ma grand-mère, peu importe. Mais j'ai jamais eu vraiment d'argent de poche parce que j'en ai jamais vraiment eu besoin, parce qu'à chaque fois j'avais ce dont j'avais envie et besoin quand je le demandais, quoi. D'accord. Et toi? Moi non plus, j'ai jamais eu vraiment d'argent de poche. Mais comme l'a dit Maxime, à chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, je demandais et généralement je pouvais l'avoir. Juste vers, je sais plus, vers peut-être 17 ans, ma mère, elle a commencé à me donner genre un peu d'argent de poche tous les mois, et après elle a arrêté d'un coup. j'ai pas compris pourquoi. Genre vraiment, ça a pas duré si longtemps que ça, genre 6 mois, et tous les mois elle me donnait un billet en argent de poche. Elle me dit, oh, tiens, ton argent de poche. Et après elle a arrêté d'un coup. Elle a dit, oh, maintenant t'es grande. Je fais, bah oui, mais bon, t'as commencé genre 6 mois avant que je sois majeure, donc. Mais ouais, voilà. Mais sinon, j'ai jamais eu vraiment d'argent de poche. D'accord. Et toi, Ahmed? Moi, j'ai eu l'argent de poche depuis un jeune âge, depuis 7 ans par exemple, des trucs comme ça. D'accord. C'était un livre égyptien par jour. C'est comme et, 1 euro ici? Non, non, pas du tout. Mais j'ai pu acheter par exemple deux biscuits, par exemple, okay, un bonbon, ouais. Un truc comme ça. Et j'ai appris à gérer mes argents et à économiser grâce à ce truc. D'accord, oui. Trop bien. Mais du coup, moi, j'ai reçu de l'argent très tôt, à partir du collège. Et après, le montant, c'était 20 euros par mois. Je suis contente. Et puis après, mais au lycée, j'ai eu beaucoup, beaucoup plus. Parce que voilà, mes parents ne m'achetaient plus rien parce qu'à chaque fois, je disais « Non, c'est pas ce que je veux !» Donc au final, ils me disaient bah, « Tant qu'à faire, tiens, on te donne telle somme d'argent et puis après, tu achètes ce que tu veux, que ce soit, j'allais dire médicaments, que ce soit, que ce soit vêtements ou, voilà, ou sorties, des choses comme ça. » Et du coup, à partir de quel âge vous avez eu conscience de la valeur de l'argent? Moi, quand j'ai pris mon appartement. Ah oui. parce que avant, c'était ma mère qui faisait les courses. De ouf. Quand j'avais besoin de quelque chose, généralement, je lui demandais et elle me payait, quoi. Donc, donc quand j'ai pris mon appartement et que j'ai dû payer des factures, que j'ai dû faire mes propres courses. Oh là là. J'étais là en mode, mais c'est trop cher, genre. J'étais là, mais moi, je pensais qu'un paquet de pâtes, c'était genre 20 centimes. J'arrive, je suis à 1,20€. Je fais quoi, c'est super cher. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, mais il faut vraiment que je mette de côté, que j'économise et que je ne peux pas tout dépenser, même si je fais 100 balles du burrito à peu près tous les mois. Mais avant. Oh, t'es gentil, 100 balles. Ah, ouais. Mais ouais, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience que l'argent, c'était vraiment pas. Enfin, c'était important, quoi. D'accord. Et t'avais quel âge quand t'avais pris ton appartement? J'ai pris mon appartement à 18 ans. À 18 ans. 19, ouais. Et vous? J'étais consciente de la valeur d'argent depuis l'âge de 14 ans, 14 ans peut-être, parce que mes parents, mon père m'a accompagné pendant son travail et grâce à ça, j'ai devenu conscient de la valeur d'argent. D'accord. Et toi, Emmanuel? Bah, moi, très très tôt, je ne saurais pas me souvenir quand, parce que en fait, dans ma famille, on n'a pas beaucoup d'argent. Ouais. Donc, fallait économiser, fallait faire attention, pas m'acheter beaucoup de choses. Donc, très tôt, j'ai eu ce sentiment-là de l'argent, c'est précieux. Ouais. D'accord. Et du coup, quand tu as pris ton appart, enfin, quand tu es devenu majeur et que tu es parti de chez tes parents, c'était, est-ce que tu avais une autre image de l'argent ou pas? Non, pas du tout, c'était ça okay. Ce que je m'attendais en fait, parce que même je voyais mes parents ben, justement en train de galérer pour finir le mois et tout, donc je savais à quel point ça peut vous coûter cher la vie d'adulte. D'accord, et toi Maxime? Bah moi c'est pareil, c'est à partir du moment où j'ai commencé à avoir mon appart, quand je suis rentré à la fac et que je me suis acheté un magnifique MacBook Pro à deux reins, je me suis rendu compte que ah bah oui, le MacBook il vaut 3 mois de loyer et que... plus que 3 mois de loyer. Non non, pour le coup il valait vraiment pour 3 mois de mon loyer et que bah j'ai commencé à me dire c'est cher quand même. Mais depuis ce jour là j'ai conscience de ce que je dépense etc, mais je me dis j'ai de l'argent, ça sert à être dépensé, donc j'ai tant de budget par mois, je dépense tant par mois. Et puis, d'accord. Et puis, ouais. Donc tu profites quand même. Oui, voilà, c'est ça. Genre, si je touche 1 500€, bah, si les 1 500 ils partent dans le mois, bah, tant pis. Quoi. Je sais que j'ai ma paye le mois prochain. Et puis, Ouais, tu stresses pas. Oui, voilà, c'est ça. Tu fais après, des économies que, non, pas vraiment. Ouais. Pas vraiment. Et puis je pense aussi le fait d'être en CDI, ça apporte une certaine sérénité de se dire... tous les mois, on a minimum ça qui tombe et qu'on sait qu'on va s'en sortir et qu'il n'y aura, pas énormément de... On croise les doigts, mais qu'il n'y aura pas trop, trop de galères. Quoi. De ouf. Mais du coup, moi, je suis un peu comme vous. C'est à partir du... Enfin, quand j'avais 18-19 aussi, c'était pour mon premier appartement. Mes parents payaient mon loyer, ils payaient la plupart de ce que je mangeais, mais des fois, il fallait quand même faire les courses. Du coup, avec mon petit caddie, je vais faire mes courses et là, je vois, oh, ah oui, c'est aussi cher. Et puis après, ah, les bonbons, enfin, je savais qu'il y avait des choses qui étaient chères parce que c'était des choses inutiles que je m'achetais quand j'étais au collège, au lycée, parce que enfin, j'avais de l'argent juste pour ça. Mais là, c'est différent parce qu'il y a l'appartement, il y a les factures d'électricité, il y a le gaz, il y a aussi tout ce qui est Internet. Donc, c'est à partir de ce moment-là où je me dis, oh, c'est un peu cher, comment je vais faire avec telle ou telle somme d'argent. Et puis après, par exemple, si je veux une maison, si je veux une voiture, et si j'ai des enfants après, enfin, comment je vais faire. À un moment donné, au début, je me stressais beaucoup par rapport à l'argent, mais puis après, je me suis dit, bah, à un moment donné, je vais toujours avoir de l'argent, même si j'en aurai pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Donc, il ne faut pas que je m'inquiète. Et là, ben, je profite. Et c'est vrai que les courses, c'est une sacrée désillusion quand même quand ouais. tu les fais toi-même et que tu te dis, bon, bah, ça va, je ne devrais pas payer trop cher. Et puis que tu arrives à la caisse, ça te dit 70 balles, tu fais rien dans ce que tu as dit. Ah oui, voilà, ah, c'est oui, ça. Oui. Et en plus, surtout quand tu fais les courses au Carrefour Express. Oh là là. Mais moi, je pensais que par exemple, le Super U, c'était abordable. Ah non, c'est cher. Je me retrouve avec 40 balles de course et j'ai même pas un sac à dos rempli. Enfin, c'est comme le match et tout. Le meilleur c'est... plan, c'est Lidl, Aldi, des choses comme ça. Vous savez déjà. Leclerc aussi, c'est vachement pas cher. Je trouve que pour 100 balles tout seul, j'arrive à m'en sortir même limite un mois et demi si je fais des courses correctes. Enfin, Leclerc, je trouve que c'est vachement correct aussi niveau prix. Exact. Après, ça dépend aussi de qu'est-ce que tu achètes. Qu'est-ce que vous pensez que de la viande, par exemple? La viande, c'est super cher. Ouais. Ouais. La viande, c'est cher, mais après, faut pouvoir payer les agriculteurs, etc., qui élèvent leurs bêtes, etc. Par exemple, moi, je sais que quand j'achète de la viande ou quoi, je prends surtout que de la française. Et je sais que c'est un peu plus cher, mais au moins, je sais que bah, ça va à des gens qui travaillent bien, etc., et que c'est vachement important quand même. Là, on a un peu parlé de la valeur de l'argent et que c'est à peu près, pour la plupart, c'est vers 18 ans, 19. Du coup, vous pensez qu'il faut donner de l'argent à partir de quel âge à son enfant pour qu'il soit un peu plus informé sur l'argent, pour qu'il soit plus informé sur le fait que l'argent ne tombe pas du ciel? Ben, c'est pas tant une question de donner de l'argent. Je pense que c'est surtout aussi de faire participer l'enfant justement aux courses, lui faire comprendre tout ce qui est finance, en fait, les impôts, les factures et tout, et pas forcément le laisser justement dans le rôle de « Ah, t'es petit, t'as pas t'occuper de ça, c'est à moi de faire. » Je pense que c'est important d'expliquer, de parler aux enfants des choses d'adultes, parce que bah, ils le sauront bien un jour. Quoi. Ouais, c'est ça. Personnellement, je compte pas vraiment lui donner à proprement parler, mais par exemple, mettre sur un compte de quand il est né jusqu'à ce qu'il soit plus grand et qu'il puisse à 18 ans l'ouvrir et qu'il ait beaucoup d'argent pour s'acheter permis, enfin voiture, tout ce qu'il a besoin. C'est une bonne idée. Ça. Mais de l'argent de poche, j'attendrai jusqu'à ce qu'il commence à me demander de l'argent pour. Dans le sens où quand il soit assez grand pour faire des sorties avec ses copains ou quoi, et qu'il va commencer à me dire est-ce que tu peux me passer ça pour que je puisse aller sortir avec mes copains, là je commencerai, je pense, à lui donner de l'argent de poche. D'accord. Mais avant lui donner quelques sous pour s'acheter des bonbons, tout ça, oui, mais. Ouais, de vrai argent de poche à partir du moment où il se fait sortir. Il a besoin, etc. Ouais, voilà. Et comme ça, il a un certain budget, il ne peut pas le dépasser. Ouais, ça lui apprend à gérer déjà ses dépenses. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pensez que les personnes riches, est-ce qu'ils ont plus de chances de réussir dans la vie? Je pense que ça peut leur ouvrir plus d'opportunités, dans le sens où rien que déjà des études, ça peut coûter cher. Par exemple, aller dans des écoles privées qui sont peut-être un peu plus réputées, mais qui ont des méthodes de travail différentes que le public, ça peut peut-être aider à mieux réussir aussi. Donc je pense que oui, ça peut les aider à aller... Bah, la route serait plus facile pour eux, dans le sens où ils peuvent intégrer des grandes écoles plus facilement qu'une personne qui n'a vraiment pas d'argent et qui a besoin de trouver, de bosser de fou pour mettre de côté ou avoir des bourses d'études, tout ça. Donc forcément, ceux qui ont moins d'argent, il va falloir qu'ils travaillent plus dur pour avoir de meilleurs résultats et espérer avoir une bourse d'études ou travailler à côté, comme je viens de le dire. Mais et les personnes avec de l'argent, donc ils ont juste à payer les frais d'inscription, entre guillemets, et ils sont directement dans l'école, comparé à ceux qui doivent travailler pour, je trouve. Et puis où c'est papa-maman qui paye le loyer, ils peuvent plus se concentrer sur les études, etc. C'est ça. Après, je pense que ça dépend aussi des cultures du pays. Comme par exemple, là, si on prend l'exemple de la France et des États-Unis, mais en France, tu as plus de chances, on va dire, de réussir ta vie ou tes études parce que le coût des études n'est pas si cher que ça comparé aux États-Unis où c'est chaque école c'est très cher, c'est au-delà de 5 000 $, donc c'est aussi différent, tout dépend en vrai je pense que c'est tout dépend du pays et si on a envie de s'en sortir, de devenir riche, on peut. C'est pas parce qu'on est né riche qu'on ne peut pas devenir riche. Mais c'est plus compliqué quand t'es pauvre. Oui, c'est ça. C'est plus compliqué beaucoup, même quand t'es pauvre. Ouais. C'est vrai que ça peut devenir... C'est pas parce que t'as pas la richesse monétaire que tu n'as pas la richesse de l'esprit. Oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr, mais c'est pas ton esprit qui va te faire avoir... Non, la motivation, des choses comme ça. Des zéros en plus sur ton compte. J'aimerais bien vous montrer un exemple. Oui. Qui prouve que la richesse n'est pas liée aux opportunités. Okay. Par exemple, au pays de Golfe, il y a beaucoup de monde qui sont vraiment, vraiment riches et qui envoient ses fils en Europe. Mais quand ils viennent ici, ils n'arrivent pas à réussir et à vivre ici. Il échoue, il reçoit l'échec une année après l'autre. Ouais, donc l'argent ne fait pas tout. Oui, c'est vrai. Il faut avoir la motivation, il faut avoir l'envie de réussir dans sa vie. Oui, voilà, c'est sûr. C'est, si après tu vas faire des études et que, ok, c'est payé, mais t'as pas envie, tu vas pas réussir. Hein. C'est aussi ton envie qui joue beaucoup sur le fait que tu réussisses ou pas, quoi. Voilà, c'est ça. Et on va s'arrêter là. Petite nouvelle, on va pas faire d'émission avant début septembre parce que la radio Fadjet va être en vacances. Ils vont prendre 3 semaines de vacances en août. Du coup, on va reprendre d'ici fin août, début septembre. Donc, on se retrouve après les vacances. Profitez de votre été. En attendant, il y aura des petites rediffusions de toutes les émissions qu'on a faites depuis le début, de toutes les petites émissions qu'on exprime. Donc, soyez quand même au rendez-vous. Profitez de votre été. On se retrouve en septembre. Bonnes vacances à tous et à la prochaine. Bonnes vacances. Bonnes vacances. À la prochaine.